Exagérez les perspectives de vos étagères et vous verrez les courbettes prendre la tangente. Virage tentateur, propice à une légère tendance aux légumes verts. Courage versatile. Attention, diagnostic végétal, tentative de courgette.